Si tu n'es pas là, si tu ne viens pas à mes côtés, comment je vais faire pour continuer ce long combat contre la bêtise armée? Pour sortir la colère? Pour que la poésie tienne toute la nuit? Comment je vais faire pour garder le flambeau allumé si tu ne viens pas, si tu n'es pas là? Comment je vais faire pour envoyer ces mots qui ne sont pas à moi et pour prêter ma voix et la faire vibrer haut et en pleine lumière? Comment je vais faire? Si tu gardes ma main et si tu tiens mon bras, on ira encore loin, on ira au-delà. On ira encore loin, on ira au-delà. Si tu gardes ma main et si tu tiens mon bras, au moins jusqu'à demain. Les coups et les douleurs, non, je n'aurai pas peur. Si tu es dans mon cœur, là, là, là, là, là, là, El Pueblo Unido sera fort, sera beau, si je t'ai dans la peau, si tu es à mon bras. Tu comprends? Coûte que coûte, je dois tenir la route. Tout seul, je pourrais pas. Si tu n'es pas là.